Livre sixième, Immortalité de l'âme, prouvée par la morale et le sentiment. Chapitre premier, Désir de bonheur dans l'homme. Quand il n'y aurait d'autre preuve de l'existence de Dieu que les merveilles de la nature, ces preuves sont si fortes qu'elles suffiraient pour convaincre tout homme qui ne cherche que la vérité. Mais si ceux qui nient la Providence ne peuvent expliquer sans elle les miracles de la création, ils sont encore plus embarrassés pour répondre aux objections de leur propre cœur. En renonçant à l'être suprême, ils sont obligés de renoncer à une autre vie, et cependant leur âme les agite. Elle se présente pour ainsi dire devant eux et les force, en dépit des sophistes, à confesser son existence et son immortalité. Qu'on nous dise d'abord, si l'âme s'éteint au tombeau, d'où nous vient ce désir de bonheur qui nous tourmente? Nos passions ici-bas se peuvent aisément rassasier. L'amour, l'ambition, la colère ont une plénitude assurée de jouissance. Le besoin de félicité est le seul qui manque de satisfaction comme d'objet, car on sait ce que c'est que cette félicité qu'on désire. Il faut convenir que si tout est matière, la nature s'est ici étrangement trompée. Elle a fait un sentiment qui ne s'applique à rien. Il est certain que notre âme demande éternellement. À peine a-t-elle obtenu l'objet de sa convoitise qu'elle demande encore. L'univers entier ne la satisfait point. L'infini est le seul champ qui lui convienne. Elle aime à se perdre dans les nombres, à concevoir les plus grandes comme les plus petites dimensions. Enfin, gonflée et non rassasiée de ce qu'elle a dévoré, elle se précipite dans le sein de Dieu, où viennent se réunir les idées de l'infini, en perfection, en temps et en espace. Mais elle ne se plonge dans la divinité que parce que cette divinité est pleine de ténèbres, Deus absconditus. Si elle en obtenait une vue distincte, elle la dédaignerait, comme tous les objets qu'elle mesure. On pourrait même dire que ce serait avec quelque raison, car si l'âme s'expliquait bien le principe éternel, elle serait ou supérieure à ce principe, ou du moins son égale. Il n'en est pas de l'ordre des choses divines comme de l'ordre des choses humaines. Un homme peut comprendre la puissance d'un roi sans être un roi, mais un homme qui comprendrait Dieu serait Dieu. Or, les animaux ne sont point troublés par cette espérance que manifeste le cœur de l'homme. Ils atteignent sur le champ à leur suprême bonheur. Un peu d'herbe satisfait l'agneau, un peu de sang rassasie le tigre. Si l'on soutenait, d'après quelques philosophes, que la diverse conformation des organes fait la seule différence entre nous et la brute, on pourrait tout au plus admettre ce raisonnement pour les actes purement matériels. Mais qu'importe ma main à ma pensée lorsque, dans le calme de la nuit, je m'élance dans les espaces pour y trouver l'ordonnateur de tant de monde? Pourquoi le bœuf ne fait-il pas comme moi? Ses yeux lui suffisent. Et quand il aurait mes pieds ou mes bras, il lui serait pour cela fort inutile. Il peut se coucher sur la verdure, lever la tête vers les cieux et appeler par ses mugissements l'être inconnu qui remplit cette immensité. Mais non, préférant le gazon qu'il foule, il n'interroge point, ô haut du firmament, ces soleils qui sont la grande évidence de l'existence de Dieu. Il est insensible au spectacle de la nature, sans se douter qu'il est jeté lui-même sous l'arbre où il repose, comme une petite preuve de l'intelligence divine. Donc, la seule créature qui cherche au dehors et qui n'est pas à soi-même son tout, c'est l'homme. On dit que le peuple n'a point cette inquiétude. Il est sans doute moins malheureux que nous, car il est distrait de ses désirs par ses travaux. Il éteint dans ses sueurs sa soif de félicité. Mais quand vous le voyez se consumer 6 jours de la semaine pour jouir de quelques plaisirs du 7e, quand toujours espérant le repos et ne le trouvant jamais, il arrive à la mort sans cesser de désirer. Direz-vous qu'il ne partage pas la secrète aspiration de tous les hommes à un bien-être inconnu? Que si l'on prétend que ce souhait est du moins borné pour lui aux choses de la terre, cela n'est rien moins que certain. Donnez à l'homme le plus pauvre les trésors du monde. Suspendez ses travaux, satisfaites ses besoins. Avant que quelques mois se soient écoulés, il en sera encore aux ennuis et à l'espérance. D'ailleurs, est-il vrai que le peuple, même dans son état de misère, ne connaissent pas ce désir de bonheur qui s'étend au-delà de la vie. D'où vient cet instinct mélancolique qu'on remarque dans l'homme champêtre? Souvent, le dimanche et les jours de fête, lorsque le village était allé prier ce moissonneur qui sépare le bon grain de l'ivraie, nous avons vu quelques paysans rester seuls à la porte de sa chaumière. Il prêtait l'oreille au son de la cloche. Son attitude était pensive. Il n'était distrait ni par les passereaux de l'aire voisine, ni par les insectes qui bourdonnaient autour de lui. Cette noble figure de l'homme, plantée comme la statue d'un dieu sur le seuil d'une chaumière, ce front sublime, bien que chargé de soucis, ses épaules ombragées d'une noire chevelure, et qui semblait encore s'élever, comme pour soutenir le ciel, quoique courbé sous le fardeau de la vie. Tout cet être si majestueux, bien que misérable, ne pensait-il à rien, ou songeait-il seulement aux choses d'ici-bas? Ce n'était pas l'expression de ses lèvres entr'ouvertes, de ce corps immobile, de ce regard attaché à la terre. Le souvenir de Dieu était là, avec le son de la cloche religieuse. S'il est impossible de nier que l'homme espère jusqu'au tombeau, s'il est certain que les biens de la terre, loin de combler nos souhaits, ne font que creuser l'âme et en augmenter le vide, il faut en conclure qu'il y a quelque chose au-delà du temps. Vincula iujus, mundi, dit saint Augustin, asperitatem habent veram, jucunditatem falsam, certum dolorem, incertam voluptatem, durum laborem, timidam quietem, rem plenam mesiraee, spem beatitudinis inanen. Le monde a des liens pleins d'une véritable âpreté et d'une fausse douceur. Des douleurs certaines, des plaisirs incertains, un travail dur, un repos inquiet, des choses pleines de misère, et une espérance vide de bonheur. Loin de nous plaindre que le désir de félicité ait été placé dans ce monde et son but dans l'autre, admirons en cela la bonté de Dieu. Puisqu'il faut tôt ou tard sortir de la vie, la Providence a mis au-delà du terme un charme qui nous attire, afin de diminuer nos terreurs du tombeau. Quand une mère veut faire franchir une barrière à son enfant, elle lui tend de l'autre côté un objet agréable pour l'engager à passer. Chapitre 2. Du remords et de la conscience. La conscience fournit une seconde preuve de l'immortalité de notre âme. Chaque homme a au milieu du cœur un tribunal, où il commence par se juger soi-même, en attendant que l'arbitre souverain confirme la sentence. Si le vice n'est qu'une conséquence physique de notre organisation, d'où vient cette frayeur qui trouble les jours d'une prospérité coupable? Pourquoi le remords est-il si terrible qu'on préfère de se soumettre à la pauvreté et à toute la rigueur de la vertu plutôt que d'acquérir des biens illégitimes? Pourquoi y a-t-il une voix dans le sang, une parole dans la pierre? Le tigre déchire sa proie et dort. L'homme devient homicide et veille. Il cherche les lieux déserts et cependant la solitude l'effraie. Il se traîne autour des tombeaux et cependant il a peur des tombeaux. Son regard est mobile et inquiet. Il n'ose regarder le mur de la salle du festin dans la crainte d'y lire des caractères funestes. Ses sens semble devenir meilleur pour le tourmenter. Il voit au milieu de la nuit des lueurs menaçantes. Il est toujours environné de l'odeur du carnage. Il découvre le goût du poison dans les mets qu'il a lui-même apprêtés. Son oreille, d'une étrange subtilité, trouve le bruit où tout le monde trouve le silence. Et sous les vêtements de son ami, lorsqu'il l'embrasse, il croit sentir un poignard caché. Ô conscience, ne serais-tu qu'un fantôme de l'imagination ou la peur des châtiments des hommes? Je m'interroge, je me fais cette question. Si tu pouvais, par un seul désir, tuer un homme à la Chine et hériter de sa fortune en Europe, avec la conviction surnaturelle qu'on n'en saurait jamais rien, consentirais-tu à former ce désir? J'ai beau m'exagérer mon indigence, J'ai beau vouloir atténuer cet homicide en supposant que par mon souhait, le Chinois meure tout à coup sans douleur, qu'il n'a point d'héritier, que même à sa mort, ses biens seront perdus pour l'État. J'ai beau me figurer cet étranger comme accablé de maladies et de chagrins. J'ai beau me dire que la mort est un bien pour lui, qu'il l'appelle lui-même, qu'il n'a plus qu'un instant à vivre. Malgré mes vains subterfuges, j'entends, au fond de mon cœur, une voix qui crie si fortement contre la seule pensée d'une telle supposition que je ne puis douter un instant de la réalité de la conscience. C'est donc une triste nécessité que d'être obligé de nier le remords, pour nier l'immortalité de l'âme et l'existence d'un Dieu vengeur. Toutefois, nous n'ignorons pas que l'athéisme, poussé à bout, a recours à cette dénégation honteuse. Le sophiste, dans le paroxysme de la goutte, s'écriait « Ô douleur, je n'avouerai jamais que tu sois un mal !» Et quand il serait vrai qu'il se trouvât des hommes assez infortunés pour étouffer le cri du remords, qu'en résulterait-il? Ne jugeons point celui qui a l'usage de ses membres par le paralytique qui ne se sert plus des siens. Le crime, à son dernier degré, est un poison qui cautérise la conscience. En renversant la religion, on a détruit le seul remède qui pouvait rétablir la sensibilité dans les parties mortes du cœur. Cette étonnante religion du Christ était une sorte de supplément à ce qui manquait aux hommes. Devenait-on coupable par excès, par trop de prospérité, par violence de caractère? Elle était là pour nous avertir de l'inconstance de la fortune et du danger des emportements. Était-ce au contraire par défaut qu'on était exposé, par indigence de bien, par indifférence d'âme? Elle nous apprenait à mépriser les richesses en même temps qu'elle réchauffait nos glaces et nous donnait, pour ainsi dire, des passions. Avec le criminel, surtout, sa charité était inépuisable. Il n'y avait point d'homme si souillé qu'elle admît à repentir, point de lépreux si dégoûtant qu'elle ne touchât de ses mains pures. Pour le passé, elle ne demandait qu'un remords, pour l'avenir qu'une vertu. « Ubi autem abundavit delictum, disait-elle, super abundavit gratia, la grâce a surabondé où avait abondé le crime. » Toujours prêt à avertir le pécheur, le Fils de Dieu avait établi sa religion comme une seconde conscience pour le coupable qui aurait eu le malheur de perdre la conscience naturelle, conscience évangélique, pleine de pitié et de douceur, et à laquelle Jésus-Christ avait accordé le droit de faire grâce, que n'a pas la première. Après avoir parlé du remords qui suit le crime, il serait inutile de parler de la satisfaction qui accompagne la vertu, le contentement intérieur qu'on éprouve en faisant une bonne œuvre, n'est pas plus une combinaison de la matière que le reproche de la conscience, lorsqu'on commet une méchante action, n'est la crainte des lois. Si des sophistes soutiennent que la vertu n'est qu'un amour-propre déguisé, et que la pitié n'est qu'un amour de soi-même. Ne leur demandons point s'ils n'ont jamais rien senti dans leurs entrailles après avoir soulagé un malheureux, ou si c'est la crainte de retomber en enfance qui les attendrit sur l'innocence du nouveau-né. La vertu et les larmes sont pour les hommes la source de l'espérance et la base de la foi. Or, comment croirait-il en Dieu celui qui ne croit ni à la réalité de la vertu, ni à la vérité des larmes? Nous penserions faire injure au lecteur en nous arrêtant à montrer comment l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu se prouvent par cette voie intérieure appelée conscience. Il y a dans l'homme, dit Cicéron, une puissance qui porte au bien et détourne du mal, non seulement antérieure à la naissance des peuples et des villes, mais aussi ancienne que ce que Dieu, par qui le ciel et la terre subsistent et sont gouvernés. Car la raison est un attribut essentiel de l'intelligence divine. Et cette raison qui est en Dieu détermine nécessairement ce qui est vice ou vertu. Chapitre 3. Qu'il n'y a point de morale s'il n'y a point d'autre vie. Présomption en faveur de l'âme, tirée du respect de l'homme pour les tombeaux. La morale est la base de la société. mais si tout est matière en nous, il n'y a réellement ni vice ni vertu, et conséquemment plus de morale. Nos lois, toujours relatives et changeantes, ne peuvent servir de point d'appui à la morale toujours absolue et inaltérable. Il faut donc qu'elle ait sa source dans un monde plus stable que celui-ci, et des garants plus sûrs que des récompenses précaires ou des châtiments passagers. Quelques philosophes ont cru que la religion avait été inventée pour la soutenir. Ils ne se sont pas aperçus qu'ils prenaient l'effet pour la cause. Ce n'est pas la religion qui découle de la morale, c'est la morale qui naît de la religion, puisqu'il est certain, comme nous venons de le dire, que la morale ne peut avoir son principe dans l'homme physique ou la simple matière. Puisqu'il est certain que quand les hommes perdent l'idée de Dieu, ils se précipitent dans tous les crimes, en dépit des lois et des bourreaux. Une religion qui a voulu s'élever sur les ruines du christianisme et qui a cru mieux faire que l'Évangile, a déroulé dans nos églises ce précepte du décalogue. « Enfants, honorez vos pères et mères. » Pourquoi les théophilanthropes ont-ils retranché la dernière partie du précepte ? Afin de vivre longuement. C'est qu'une misère secrète leur a appris que l'homme qui n'a rien ne peut rien donner. Comment aurait-il promis des années celui qui n'est assuré de vivre deux moments ? « Tu me fais présent de la vie, lui aurait-on dit, et tu ne vois pas que tu tombes en poussière ? Comme Jéhovah, tu m'assures une longue existence. Et as-tu, comme lui, l'éternité pour épuiser des jours ? Imprudent, l'heure où tu vis n'est pas même à toi. Tu ne possèdes en propre que la mort. Que tireras-tu donc du fond de ton sépulcre, hors le néant, pour récompenser ma vertu ? Enfin, il y a une autre preuve morale de l'immortalité de l'âme sur laquelle il faut insister. C'est la vénération des hommes pour les tombeaux. Là, par un charme invincible, la vie est attachée à la mort. Là, la nature humaine se montre supérieure au reste de la création et déclare ses hautes destinées. La bête connaît-elle le cercueil et s'inquiète-t-elle de ses cendres ? Que lui font les ossements de son père ? Ou plutôt, sait-elle quel est son père après que les besoins de l'enfance sont passés ? D'où nous vient donc la puissante idée que nous avons du trépas ? Quelques grains de poussière mériteraient-ils nos hommages ? Non, sans doute. Nous respectons les cendres de nos ancêtres parce qu'une voix nous dit que tout n'est pas éteint en eux. Et c'est cette voix qui consacre le culte funèbre chez tous les peuples de la terre. Tous sont également persuadés que le sommeil n'est pas durable, même au tombeau, et que la mort n'est qu'une transfiguration glorieuse.